La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la notion d'identité culturelle a-t-elle un sens ? La question de l'identité, que celle-ci soit nationale, culturelle ou autre, semble devenir la grande affaire de la prochaine campagne présidentielle. Pour d'aucuns, la nôtre d'identité viendrait de nos ancêtres les Gaulois, qui auraient ainsi l'étrange particularité, eux, de ne pas avoir d'ancêtres, car s'ils en avaient, nos ancêtres ne seraient pas les Gaulois, mais les ancêtres des Gaulois et même les ancêtres des ancêtres des Gaulois, et on n'en finirait pas. Pour d'autres, notre identité n'aurait pas d'origine précise, mais serait au choix, malheureuse ou bien menacée, ou même déjà fracturée, ou au contraire potentiellement heureuse. Mais qu'est-ce au juste qu'une identité ? Pendant longtemps, l'identité a été une notion simple. Elle consistait à découvrir que deux choses qu'on croyait distinctes n'étaient en fait qu'une seule et même chose. Dire que la chose A était identique à la chose B, c'était dire qu'il n'y avait en réalité qu'une seule et même chose, que nous appelions tantôt A, tantôt B. Mais aujourd'hui, il est devenu courant qu'un guide touristique, par exemple, nous dise que tel quartier a conservé son identité. L'identité serait désormais une qualité que l'on peut conserver, donc aussi une qualité que l'on peut perdre, ou que l'on peut vouloir défendre contre ce qui menace de la détruire. Mais qu'est-ce que l'identité d'un quartier ? Dans un guide touristique plus ancien, on aurait parlé du caractère du quartier, voire de son âme, mais pas de son identité. C'est sans doute que le mot « identité » dit quelque chose de plus. Dans l'exemple du quartier, il s'agit d'un territoire qui pourrait être absorbé par la masse urbaine qui l'environne, et aussi d'une population qui y vit. Ce qui permet au mot « identité » de désigner non seulement une qualité propre à cette partie de la ville, mais aussi un attachement des habitants à la manière qu'ils ont d'y vivre. Que deviendrait le quartier si, comme on dit, il perdait son identité ? On répondra qu'il ne serait plus le même. Cela voudrait-il dire qu'il aurait disparu ? Ou alors qu'il existerait encore, mais de manière indistincte, confondu qu'il serait avec le milieu qui l'entoure ? Le problème est de savoir comment préserver son identité si l'environnement change. En la changeant, me direz-vous. Certes, mais si on la change, c'est qu'elle n'est plus la même. Et si elle n'est plus la même, c'est qu'on l'a perdue. Aïe aïe aïe, décidément, l'identité a bien des embarras. Pour tenter de les analyser, j'ai invité François Julien. Bonjour François Julien. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes sinologue. Je pourrais passer plusieurs minutes à citer les titres de vos nombreux ouvrages, mais je vais me contenter de citer le tout dernier, dont le titre répond de façon nette à la question que je viens de poser. Le titre, c'est « Il n'y a pas d'identité culturelle ». Alors, vous circulez, chacun le sait, depuis des années entre deux cultures, la culture européenne et la culture chinoise. Alors, comment vivez-vous ce débat actuel sur cette question de l'identité ? J'ai le sentiment que ce n'est pas un débat. C'est en fait une occasion pour les uns et les autres de se positionner et de ravir ce qu'ils peuvent du lectorat potentiel. Mais il n'y a pas débat parce qu'il n'y a pas possibilité d'un débat tant que les termes n'en sont pas clairs. Et il me semble d'abord que le terme même d'identité ne correspond pas à ce qu'on entend par culture. Donc la notion d'identité culturelle, je ne conteste pas la notion d'identité en tant que telle, qu'à ses usages, mais en tant qu'identité culturelle. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que nous confondons, je crois, deux choses. Identité du sujet, qui se constitue par identification, comme l'identification au père, par exemple, donc qui est une identité subjective. Et puis quelque chose d'autre qui serait l'identité objective d'une culture. Or, une culture est collective, et d'autre part, elle ne cesse de muter. Deux raisons qui font que la notion d'identité rapportée à la culture me paraît ne pas convenir. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? C'est l'actualité précisément qui vous a montré que le débat était mal posé ? Ou bien c'est la suite de votre réflexion sur l'antre des deux cultures chinoises et européennes qui vous a poussé à écrire ce livre qui n'est pas très gros et qui rencontre de façon assez brutale l'actualité contemporaine ? Les deux, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un résultat de mon travail, et effectivement du fait que j'étais amené, ayant choisi de réinterroger la philosophie à partir du côté chinois, donc de sortir de la tradition européenne de la philosophie, de me dépayser en Chine, et donc de circuler entre culture chinoise et culture européenne, j'étais amené à réfléchir sur ce qui fait la culture. Et aussi à mon rapport avec la culture chinoise comme avec la culture européenne. Notion de ressources que je privilégie parce que pour moi, la culture chinoise vaut à titre de ressource de pensée. Et puis, il y a effectivement la situation historique qui est la nôtre aujourd'hui et qui est que j'ai le sentiment que mon travail rencontre une question qui est une question qui justement ne s'est pas constituée en question parce qu'elle n'a pas trouvé des termes justes pour se poser. Et donc, le rôle du philosophe, c'est quoi ? C'est de nettoyer les notions dites communes pour en faire des concepts. Donc, pour en faire les termes d'un débat possible. C'est là que mon travail, disons, rencontre un engagement politique. Mais comment est-ce que vous expliquez, François Julien, que la question de l'identité devienne presque centrale alors même qu'une nation se définit beaucoup plus par le projet qu'elle construit pour elle-même? Bien sûr, mais je pense qu'elle a ce débat ou faux débat autour de l'identité culturelle à une fonction d'alibi. Bon, donc c'est peut-être pas la question elle-même. C'est-à-dire c'est pour masquer l'absence de projet? Oui, et aussi sortir des problèmes économiques, du déclin, disons, de la production en France, et des questions proprement, je ne vais pas dire seulement proprement politiques, mais disons qu'ils sont l'enjeu immédiat dont on ne faut pas s'embarrasser. Donc je pense qu'il y a une fonction d'alibi, en même temps que je crois qu'il y a aussi une bonne intention d'essayer de savoir comment remobiliser, remotiver l'ensemble des citoyens, et qu'on le fait sous cette notion-là, mais qui ne convient pas. Et c'est pour ça que je propose, moi, un déplacement de notion, de quitter la notion d'identité culturelle, qui ne semble pas convenir, je voudrais dire pourquoi, pour me déplacer vers l'idée de ressources culturelles, fécondité culturelle. Donc le titre, il est « Il n'y a pas d'identité culturelle » avec un sous-titre qui est « Mais nous défendons les ressources d'une culture ». Donc c'est un engagement aussi actif. Le sous-titre n'est pas sur la couverture. Non, parce qu'on me dit que ça fait trop long. Mais le sous-titre, c'est donc la première page. on peut aller jusque-là dans la lecture du texte. Et donc il y a ce « Mais il n'y a pas d'identité culturelle » contre, disons, une sorte d'opinion du jour. Parce que ce qui me frappe, c'est que finalement, tous les partis et tous les prétendants dans la présidentielle passent par ce terme. Donc, ils lui mettent pas un qualificatif, en général, pour se distinguer des autres. Voilà. Donc, chacun cherche sa modulation. Mais sans remettre en question la pertinence même de la notion. Or, ce qui me paraît d'abord à faire, c'est de s'interroger pour savoir si ce que nous voulons défendre, et je comprends qu'il y a à défendre, est-ce que c'est sous le terme d'identité qu'on peut le défendre ? Et puis, qu'est-ce que signifie défendre ? Est-ce que défendre, c'est être sur le mode défensif ? Ou est-ce que défendre, c'est activer ? Et c'est ce que je propose, activer des ressources. Alors, et moi, la question que je vais poser, c'est quelles sont les ressources culturelles françaises qu'on veut défendre, c'est-à-dire activer, c'est-à-dire exploiter aujourd'hui ? Alors, je vais vous laisser le temps de déployer la totalité de votre analyse. Mais avant, je voudrais revenir sur les causes de ce sujet, l'identité. Vous connaissez très bien la philosophie chinoise, évidemment, la culture chinoise. Vous connaissez aussi très bien la philosophie grecque. Or, pour les Grecs, il y a une contradiction entre l'idée de changement et l'idée d'identité, précisément. Elle est fondamentale pour être cette Il y a une contradiction, et cette contradiction, parce que si une chose a changé, c'est qu'elle cesse d'être identique à elle-même, et si elle est identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé. Et donc, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un changement massif de notre environnement que la question de l'identité se pose, sachant que cette contradiction entre l'identité et le changement que les Grecs avaient identifié, nous l'avons résolu par le langage, mais d'une façon un peu bizarre, c'est-à-dire que le sujet du verbe changer dans la langue française, c'est précisément ce qui ne change pas quand on dit qu'il change. Si je dis que X a changé, ça veut dire que X est le même X à la fin du changement qu'au début, et ce qui a changé, en fait, ça n'est pas X, mais quelque chose de X qui est une propriété secondaire. Et donc, est-ce que c'est le rythme du changement qui vient poser de façon très intense la question du sujet du changement? Alors je pense qu'il y a effectivement d'abord le grand choix de l'ontologie des Grecs, qui est celui du verbe être. Et donc l'opposition du verbe être et du verbe devenir. C'est dans cette scission-là que les Grecs ont pensé, nous sommes dans cet héritage, quels que soient nos efforts pour en sortir. Et puis, ce que vous venez de dire à l'instant, à savoir la pensée du sujet, mais qui est bien celle de l'identité. Puisque depuis Aristote, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'on pense à partir des contraires, antikeimena, comme dit Aristote, et puis il y a ce qu'il appelle le troisième terme. Le terme qui est dessous les contraires et qui est le hypokeimena, en grec, le subjectum du latin, c'est-à-dire ce qui est sous le changement et qui ne change pas. Et c'est le départ de la pensée du sujet en Europe. Alors, comme c'est une émission qui s'appelle la conversation scientifique, je précise que la physique a rencontré ce problème. Évidemment. Comment dire le devenir à partir de lois qui ne changent pas ? Le texte d'Aristote que j'évoque, c'est bien la physique d'Aristote. physique du temps d'Aristote. C'est pas la même que la nôtre. C'est pas la même, mais disons, il y a le, mais elle a rencontré elle la aussi, question, voilà. La question qui est finalement, qu'est-ce qui ne change pas dans le changement? C'est la question d'Aristote. Et donc l'idée que il y a quelque chose qui est sous le changement, hypoménon, comme il dit, et qui ne change pas, qui est le sous-jacent du changement, substance, sujet, diront les latins. C'est la question effectivement essentielle de la philosophie, à partir de laquelle ensuite s'est promue, notamment avec l'importance du christianisme, l'idée de subjectivité qui rajoute une couche à tout ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel, ce qui fait que ce n'est pas le concept d'identité que je critique, c'est son usage par rapport à culturel. Parce que le concept d'identité en tant que tel a sa fonction. De même, ce n'est pas le concept de différence que je critique, c'est son usage quand on dit des différences culturelles. Donc c'est ce rapport-là. Par exemple, j'ai une carte d'identité et je l'accepte tout à fait. La question, c'est donc entre identité et culturelle. Alors pourquoi la culture, ou le culturel plus généralement, n'est pas sujet à identité? Pour des raisons que j'ai dites rapidement. D'une part, c'est que le culturel est toujours collectif, en identité singulière. Et d'autre part, le propre du culturel, c'est qu'il mute. Il change. S'il ne change pas, c'est qu'il est mort. Donc, le fait de changer n'est pas anecdotique, c'est pas à titre d'accident, c'est que une culture qui ne change plus, comme une langue qui ne change plus, est une culture morte. Oui, mais un changement, c'est exactement le contraire d'un remplacement. Exactement. C'est-à-dire que X change, mais X est toujours X à la fin du changement, alors qu'un remplacement, c'est X devient Y. Or, la crainte d'aujourd'hui, c'est peut-être l'idée d'un remplacement de la culture par une autre. Je crois qu'il y avait une illusion dans la notion du sujet classique en Europe, c'est qu'il y avait, nous étions un sujet ne changeant pas, encore l'idée chez Kant, et que nos changements n'étaient que des accidents s'ajoutant à ce substrat du sujet. Or, la question que se pose, par exemple, quand on vieillit, c'est est-ce que je suis le même? La question que pose Proust à la fin du temps retrouvé, est-ce que c'est bien lui, n'est-ce pas? Donc, au fond, est-ce l'idée que les changements n'étaient que périphériques, que rajout par rapport à un noyau dur qui serait identique, sujet, substrat, substance, le soub du sou, est une idée qui me semble à remettre en question. C'est ce que vous appelez les transformations silencieuses. Transformations silencieuses, oui. Ou le changement dans la continuité, comme dirait l'autre. Oui, j'essaie de le penser de façon plus précise. Donc il y a, je crois, une question essentielle à cet égard, et le fait que nous confondons, donc dans l'opinion commune aujourd'hui, l'identité du sujet en tant que processus d'identification subjective, comme par exemple s'identifier à son père quand on est enfant pour, bon, etc., puis légitime en tant que tel, et puis quelque chose qui serait l'identité objective d'une culture qui, parce qu'elle est collective et parce qu'elle ne cesse de se transformer, est une notion qui, à mon sens, ne convient pas. Alors, bien sûr, elle est rassurante. Ce que je disais à l'instant, c'est que, quelque part, on se réfugie dans cette question. Et comme à propos du quartier, mais alors, s'il change, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on perd? Oui, qu'est-ce, d'ambiance, d'intimité, je ne sais quoi, se pose à cet égard. Donc, il faut bien voir qu'il y a une raison idéologique à ce qu'on s'empare de cette question. Ce n'est pas la précédente campagne électorale, c'est celle-ci. Donc, il y a quelque chose d'actuel. Et c'est dans cette actualité-là que je souhaitais intervenir, parce qu'il me semble qu'il faut parfois que la réflexion philosophique joue son rôle dans l'élaboration du débat public. Pour l'instant, ce n'est pas un débat. Pour l'instant, ce sont des prises de position. Et c'est trop ce que devient la politique aujourd'hui en France, qu'elle n'est plus une question de conviction, mais de position, de positionnement. Donc chacun se positionne par rapport à cette chose qu'ils ont tous en main, qui est cette fameuse identité. Je vois que même François Fillon s'en mêle. Bon, parce que finalement, on ne peut pas échapper à cette question-là. La question est peut-être de se poser, mais est-ce qu'elle est bien posée? Et donc, quelle est la pertinence de la notion? De cette façon, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qui, chez nous, ne devrait pas changer alors que tout change? Oui, et avec cette idée aussi que identité fait couple avec différence. Or, je ne crois pas qu'on puisse parler des cultures en termes de différence. Pourquoi? Parce seulement que... en termes d'écart, c'est le mot qui revient souvent, oui, dans votre livre. C'est le concept que je propose pour, disons, remplacer celui de différence, parce qu'on parle, de façon commune, des différences culturelles, ce qui sous-entendait que les cultures ont donc des traits spécifiques, caractéristiques, identifiants. Or, je ne crois pas. Ça a été fait notamment dans le livre de Mauvais Livre, mais célèbre, de Huntington sur le clash des civilisations, qui identifiait des différences caractéristiques, la situation islamique, chinoise, européenne, avec des traits dits caractéristiques. Comme si elles étaient des blocs. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, d'abord, le plus intéressant, c'est ce qui échappe à ces prétendues caractéristiques. Et d'autre part, si je me pose la question simplement, qu'est-ce que la culture française ? C'est La Fontaine ou c'est Rimbaud ? C'est les deux. Je dirais c'est l'écart des deux. C'est la mise en tension des deux. C'est les deux mises ensemble. Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'un et la culture française sont capables des deux. Mmh. Et donc se tendent et s'inventent dans l'entre des deux, dans la tension des deux. J'en ai pris un exemple qui me paraît essentiel à penser qui vit l'Europe. Quand on a voulu définir les caractéristiques culturelles de l'Europe, ce qu'on a voulu faire pour rédiger la fameux préambule de la Constitution européenne, quand on a voulu faire une Constitution européenne, en bon constituant, on a voulu penser un préambule. On a cherché à définir ce qui faisait l'Europe. Les uns ont dit, les chrétiennes, ça va de soi. Les autres ont dit, mais non, les laïcs, les lumières, ça va de soi aussi. Or, qu'est-ce que l'Europe ? C'est justement l'écart des deux. Et donc la tension des deux, la mise en rapport continue et qui faisait travailler entre le religieux et puis la raison. Donc ce qui m'intéresse dans la notion d'écart... Donc la France n'est ni chrétienne ni laïque. Elle a une tension entre la foi et la raison. Oui. C'est ce qui c'est vrai que c'est pas la France, c'est ce qui fait la France. Plutôt que ce qu'elle est, ce qui la fait. La constitue, la met en tension et donc la maintient active, la maintient en essor. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en physique quantique aussi. On croyait avant qu'il y avait deux sortes de choses, les ondes et les corpuscules. Et la physique quantique a mis en tension ces deux sortes d'étangs en inventant cette dualité entre corpuscules. C'est-à-dire qu'une particule, elle est ni l'un ni l'autre, elle est entre les deux. Oui. Et ce qui me paraît important, c'est ça qui fait distinction entre écart et différence. C'est quand vous faites une différence, une fois que vous avez fait la différence pour définir une chose en la distinguant, distinguant par différence d'une autre, vous laissez tomber l'autre chose. La différence laisse l'autre de côté. Or, l'écart maintient l'autre en regard. Pour moi, il y a là une différence essentielle. Je dis en termes de différence parce que j'analyse là. Donc, différence entre différence et écart, c'est que la différence, elle range. Elle établit des caractéristiques. Aussi. Elle classe. Elle classe, oui, elle range, elle classe. Elle fait des typologies. Elle hiérarchise parfois. Elle hiérarchise, oui. Mais disons, avec cette exigence première, que définissez comme la philosophie grecque, de différence en différence jusqu'à l'essence de la chose. Puis Aristote, n'est-ce pas ? Comment arrive-t-on à une définition ? C'est par différences successives, on aboutit à la spécificité de la chose en tant que telle. Mais quand vous arrivez à cette spécificité... D'ailleurs, dans le livre, si je peux vous interrompre, François Julien, vous donnez la définition d'un pêcheur à la ligne. Oui, elle est de Platon. Elle est de Platon, pas d'Aristote, mais ça ressemble. Oui, c'est exemplaire, c'est modèle. C'est-à-dire qu'au fond, si je veux définir un pêcheur à la ligne, je vais distinguer le pêcheur du chasseur, à la ligne et pas au filet, etc. Du coup, j'oublie le chasseur et le filet. Oui, je laisse tomber l'autre, il ne m'intéresse plus. Alors que dans l'écart, je maintiens l'autre en regard. C'est pour ça que c'est au travers de l'écart, je pense, qu'on peut créer du commun. Si on comprend bien que le commun n'est pas le semblable. Ce qui me permet une distinction essentielle. Est-ce que vous voulez la rappeler, la définir là, oui, parce entre le commun et le semblable. Oui, je prends la phrase chez... je l'aime bien dite par Braque, quand il dit « Trouillebert ressemble à Corot, mais ils n'ont rien de commun ». Vous allez au Louvre, vous voyez un Trouillebert, un Corot côte à côte, c'est presque pareil. Oui, c'est semblable, rien de commun. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le semblable, c'est la répétition, c'est le standard. Donc, le semblable ne modifie rien. Si je parle du commun, c'est que le commun, au fond, il est riche, il se déploie, qu'à partir d'écarts. C'est au travers des écarts qu'on produit du commun. Sinon, le commun est pauvre. Un commun sans écart, c'est un commun uniforme. Pauvre. Prenons un couple, prenons une famille. C'est autant qu'il y a d'écart qu'il peut y avoir de commun intensif. Sinon, c'est la répétition, c'est du clonage. Si l'un est comme l'autre, vous n'êtes pas du commun avec ça. Donc, c'est au travers des écarts, parce que l'écart maintient en regard, maintient en tension, que peut se produire du commun. Mais justement, nous avons du mal... Nous, occidentaux, dites-vous, à penser ce qui est entre, l'entre des langues, l'entre des cultures. Vous citez beaucoup Braque, vous venez de le faire, mais dans votre livre, il y a une deuxième citation qui est « Ce qui se trouve entre la pomme et l'assiette se peint aussi ». Phrase de Braque. Oui, parce que la passance de l'entre, c'est quoi ? C'est qu'en fait, notre tradition philosophique majeure, en tout cas celle de l'ontologie, telle qu'elle vient des Grecs, a privilégié la question du « qu'est-ce que c'est ?» Donc, de l'essence, de la définition, donc a été isolante. Et elle a effectivement laissé tomber l'antre. C'est pour ça que les Grecs, laissant tomber l'antre, ont pensé non pas l'antre, métaxu en grec, mais méta, au-delà. La métaphysique, l'autre vie. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui a échappé à la pensée grecque, c'est la pensée de l'antre. Et quand on a dit, tradition de Nietzsche, n'est-ce pas, les Grecs se sont détourner de la vie pour l'au-delà, le lointain, l'idéal, etc. C'est pas par ascétisme, c'est parce qu'il n'y avait pas l'outil pour penser l'antre de la vie. Or, la vie se fait dans l'antre, n'est-ce pas ? C'est dans l'antre que se passe la vie. Donc je crois que, alors, étant passé par la pensée chinoise, j'ai été intéressé effectivement par la richesse, au contraire, de la pensée de l'antre en Chine, avec un très bel idéogramme qui est celui des deux battants de la porte, sous lequel passe un rayon de lune. Donc il y a les deux battants de la porte, il y a quelque chose qui passe, n'est-ce pas ? Entre tien en chinois. Et la grande idée chinoise, c'est qu'effectivement, tout passe dans l'antre, n'est-ce pas ? La respiration, par exemple, c'est entre, entre plein et vide. Mais on est, les poumons ne sont pas jamais totalement pleins et totalement vides, ils sont dans l'antre. Et si je reprends la formule de... Vous savez, dans le Gorgias de Platon, il y a l'histoire des tonneaux. Socrate fait l'éloge du tonneau plein. Et Calliclès, en face, s'insurge en disant « Mais non, faut que le tonneau soit troué, le trou du désir. Donc on aura toujours à remplir. » Donc on est entre ces deux versions du tonneau, le tonneau plein bouché, et donc il n'y a plus de manque, et donc à satiété, la sagesse. Ou alors Calliclès qui revendique le désir et que le tonneau soit donc percé pour qu'on ait toujours à le remplir. Or, Calliclès dit à Socrate, ton tonneau plein, le sage comme ça, il est mort. Et l'autre, Socrate lui dit, toi c'est l'image du pluvier, l'oiseau qui éjecte en même temps qu'il absorbe. Et donc, nous n'avons pas su penser l'antre, c'est pas un tonneau qui n'est ni plein ni vide, mais qui, alors belle formule du Zhuangzi, verser sans jamais remplir, puiser sans jamais épuiser. Me respirer, c'est ça, n'est-ce pas ? Donc, c'est-à-dire dans l'antre qui, évidemment, qui échappe à une facilité de la pensée qui est de penser les extrêmes, comme dit Aristote, les anti-caïména, où c'est plein, où c'est vide. Et là, ça se définit. Et on arrive à préciser. Non, l'entre-deux, évidemment, il est flou. Donc, mais il si est vague, il est indistinct. Ce que vous disiez à l'instant en physique, c'est-à-dire qu'il est en fait l'entre-deux, il ne se couche pas sous la définition. C'est l'exemple de Platon quand il pense la neige dans le Phédon. Soit c'est la neige, soit c'est l'eau. Mais la neige qui fond, Platon ne sait pas penser ça. Soit la neige, elle est blanche, elle est cristalline, elle est froide, elle a le caractère de la neige. Soit alors, elle est plus neige, alors c'est de l'eau. Mais si on est dans l'antre, François-Julien, est-ce qu'on ne perd pas l'ontologie ? Si. Ah ben si. Et donc l'universel ? Ah non, alors justement, ben il faut travailler à partir de là, dans cette difficulté justement. Mais on perd effectivement le socle de l'ontologie, de la substance, de tout ce qui fait le sous-jacent qui ne change pas sous le changement, bien sûr. Donc on perd une commodité de la pensée. C'est pour ça que ce n'est pas le procès même de l'ontologie que je fais. C'est de penser l'ontologie comme étant le seul mode de pensée. Et donc ce qui m'intéresse, c'est justement de penser qu'il y a des ressources et que l'ontologie, c'est une ressource de pensée. De même que le dualisme a sa ressource de pensée, mais ce n'est pas la seule. Alors ça pose la question universelle, qui est un universel que, alors là je tranche pour aller très vite, je suis contre l'universel d'universalisme. C'est-à-dire quand on pense qu'on a l'universel, quand on croit le posséder, quand on dit j'ai tout, on ne sait pas ce qui manque à ce tout. Mais je suis pour un universel, qui est un universel, je parlais, rebelle, c'est-à-dire un universel qui justement dénonce ce qui manque au tout de ce qu'on croit tout penser. Et qui est donc dynamique. Qui est dynamique est une exigence de pensée. C'est ce que Kant désignait très bien sous le thème régulateur comme exigence de la raison, c'est-à-dire cet horizon qui n'est jamais satisfait, vers lequel on cesse de travailler, mais qui maintient en cette exigence d'un dépassement. Or, ça me paraît essentiel aujourd'hui pour penser le commun. Parce que le commun est équivoque. Le commun définit à la fois un partage, ce que nous avons en commun, mais cette définition du partage peut se retourner en exclusion des autres, ce qui ne participe pas à ce partage. Ce qu'on appelle le communautarisme. Le communautarisme. Or, si on veut que le commun ne se referme pas en communautarisme, c'est là qu'intervient la notion d'universel, comme étant justement cette exigence jamais satisfaite, mais qui maintient le commun ouvert, au lieu qu'il se referme comme ça, qu'il s'emmure dans sa propre appropriation. Mais est-ce que le mot universel a un sens quand on sort d'Europe ? Alors, c'est la question que je me suis posée, moi, allant en Chine. Je pense que l'Europe en a fait son exigence première par la philosophie, parce qu'elle a pensé le concept. Au fond, la grande affaire de la philosophie, c'est quoi au départ ? C'est que les Grecs, d'abord, veulent penser le tout du monde. Donc l'un dit c'est l'eau, l'autre c'est l'air, l'autre c'est... bon, etc. Et ils se rendent compte que finalement, c'est discutable. Donc la question, c'est ce que Aristote dit de Socrate, n'est-ce pas ? Passer de la question du tout, mettre la main sur le tout, à penser selon le tout. Cat ou loup, selon le tout, devient catholique. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est l'avènement du concept. Alors, si l'Europe est si attachée à l'universel, et à juste titre, c'est parce qu'elle a produit cette chose que d'autres cultures ont connu, mais de façon moins poussée, et si je compare avec la Chine, c'est clair pour la Chine, qui est l'exigence du concept, à savoir penser selon le tout. Kata mian idean, comme dit Platon, c'est-à-dire en rangeant le divers expérience sous l'unité d'une idée. Ranger le divers, le subsumer sous l'unité d'une idée, kata mian idean, ça c'est un geste que les Grecs ont fait, je ne dis pas que ce n'est pas connu ailleurs, mais qu'ils ont fait de façon puissante, et qui laisse comme ça, comme héritage, cette question universelle à partir du concept, et en même temps c'est la science. C'est là qu'on... Donc vous dites que la science et la philosophie visent l'universel en fait, et prétendent l'attraper de façon plus ou moins lointaine. Mais alors qu'est-ce qui reste pour décrire l'individuel, le particulier? C'est la question qui s'est posée. Le relatif. Fond, je pense que ce qui a fait la puissance de l'Europe, c'est qu'elle a pensé philosophiquement et scientifiquement sur la même exigence. Bon, les lois universelles de la nature. Bon. Donc, au fond, l'idée que ce qui distingue la vérité de l'opinion, c'est pas que l'une soit vraie, l'autre soit fausse. Il y a des opinions vraies. Mais c'est que la vérité scientifique ou philosophique relève d'une exigence universelle. Elle transcende l'opinion. Oui, et selon cette exigence qui est, non seulement je l'ai constaté que c'était comme ça, mais ça ne peut pas être autrement. Donc, introduire l'idée de nécessité dans la pensée. Bon. Il y a quelque chose de très fort là, et qui est, sur quoi quand même la science européenne classique a dû s'imposer. Bon. La question qui se pose après, c'est est-ce que ce qui a si bien marché dans le domaine de la science se transpose dans le domaine de l'éthique et du politique? C'est la question. Ou de la culture. Oui, c'est de la culture. Alors je dirais que là, le débat est ouvert. Kant a cru que oui. Il a pensé l'éthique sur le modèle de la physique, avec l'impératif catégorique. Bon, mais le 19e siècle s'est révolté contre ça, Kierkegaard, Nietzsche, en revendiquant, comme vous le dites à l'instant, le singulier, l'individu. Ce sont des catégories, donc rebelles à ce... Et je dirais plus largement la littérature. Parce qu'au fond, la littérature, c'est quoi? C'est ce qui se justifie de prendre en charge ce que le discours de la science et de la philosophie ne prennent pas en charge, qui est le singulier. Et le singulier, ce qui est caractérisé, c'est justement, c'est l'ambigu. Donc, prendre en compte l'ambigu, le singulier, c'est ce que fait la littérature. Le contingent. Oui, tout ce qui ne se couche pas sous l'exigence de l'universel. Mais justement, notre affaire aujourd'hui, c'est de penser dans cette tension-là. C'est de ne pas renoncer à l'universel, trop commode. Il y a un usage fécond, non encore, disons, épuisé, de l'universel, mais de penser au regard ce que nous avons trop facilement éliminé ou, disons, recouvert, qui est cette pensée du singulier. Et c'est pour ça que je crois, pour moi, philosophe, il s'agit de, en philosophant, exploiter aussi les ressources de la littérature. Et dans le livre, vous moquez un usage, une conception de l'universel qui a permis d'inventer le suffrage universel sans songer que les femmes en étaient exclues. Oui, parce que je crois que quand l'universel n'est plus quelque chose qui est une exigence, mais ça devient une possession, c'est-à-dire qu'on croit qu'on possède l'universel, on ne sait pas ce qui manque à cet universel. On se repose, c'est l'universalisme. Et c'est donc l'idée que j'ai tout. Et quand on dit j'ai tout, on ne soupçonne pas ce qui manque à ce tout. Et effectivement, pendant 2 siècles, on a pu parler de suffrage universel en oubliant les femmes. Hein. Et puis, c'est une question qui est, quand on parle des droits de l'homme universels, quel universel s'agit-il là? Est-ce un universel au sens faible de constat? Ce serait quand même étonnant. Ou est-ce un universel au sens fort de nécessité? Mais alors, qu'est-ce qui permet de fonder cette nécessité? Donc, je vois, si vous voulez, que ces notions, il faut les remettre au travail. Et justement, en cherchant pas à éliminer ce qui met en tension la pensée, parce que c'est là qu'elle trouve sa fécondité. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors François Julien, vous avez dit, brièvement expliqué que la notion d'identité n'est pas adaptée finalement, qu'il faut plutôt réfléchir à partir de ressources culturelles. De fécondité. Fécondité, il faut les travailler, il faut les faire vivre, sans quoi elles sont mortes, comme il y a des langues mortes finalement. Il faut les explorer et les exploiter. Ce qui implique donc pour les Français aujourd'hui d'envisager quelles sont les ressources culturelles qu'ils peuvent activer. Alors la langue d'abord, évidemment. La langue... Tout en acceptant qu'elle évolue, parce que s'il n'évolue plus, elle est morte. Absolument, mais la langue... en s'explorant et s'exploitant, forcément évolue. Qu'est-ce qu'on perdrait si on perdait le subjonctif? Ben, on perdait quelque chose que je mesure mieux ayant appris le chinois. Parce qu'on est en train de le perdre. Oui, et c'est que nous avons des modalités. Nous avons donc distingué l'indicatif du subjonctif. Cette distinction modale est essentielle pour penser. Alors, je connais une langue comme le chinois qui ne conjugue pas, donc qui n'a pas cette ressource-là Je suis un à d'autres. Mais c'est une ressource. Et c'est une ressource, donc c'est pas pour défendre le subjonctif sur un mode défensif, qui est donc peureux, la peur de l'évolution qui pourrait venir. C'est défensif au sens actif. C'est activer. C'est dire, voilà, il y a quelque chose là qui est une ressource, et je ne la laisse pas tomber. Au contraire, je la déploie. Et c'est le propre même, c'est les propres de la littérature, que de déployer les ressources d'une langue. Donc c'est pas seulement apprendre le français. Il faut que toutes les personnes qui vivent en France, qui veulent s'intégrer en France, apprennent le français, mais l'apprennent aussi dans la littérature française, qui est le déploiement, l'exploitation de ces ressources. S'il y avait eu Proust en breton, je serais pour le breton. Le problème, c'est que c'est Proust qui a développé des ressources de la langue française, après bien d'autres, évidemment, et c'est ce déploiement des ressources à quoi sert la littérature qui rend active et évolutive la langue. Alors, parmi ces ressources auxquelles vous tenez, il y a également la classe de latin, il y a la dissertation en philosophie. Est-ce qu'elles vous semblent menacées? Elles le sont, ça c'est clair, le latin n'existe plus. Donc la menace, le latin et le grec, je pense qu'il y a eu une lâcheté successive, là je tiens à le dire, qui est que, au nom de ce qui serait un égalitarisme culturel, or c'est faux, pour deux raisons. D'abord parce que le lycée d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le lycée bourgeois d'avant, et d'autre part parce que l'expérience de latin et grec en banlieue marche très bien. Donc, l'argument qui serait sociologique, idéologique, ne tient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte d'abandon lâche de ces langues qui sont des ressources. C'est pas que je défends le latin et le grec en tant que tel, c'est que si vous passez quelques temps à apprendre, et de ce qu'on sait apprendre le latin et le grec, ces langues-là, vous avez accès à des ressources qui sont énormes. Et moi, j'en ai un exemple tout simple. Les étudiants chinois qui viennent me voir pour faire une thèse avec moi, je leur demande d'apprendre le latin ou le grec. C'est une condition d'entrée. Comment est-ce qu'ils réagissent? Ben, très bien. Il y a des cours de grands débutants qui sont très bien enseignés. Et ils voient qu'effectivement, en un an, ils ont, avec 2 heures par semaine d'enseignement du latin ou du grec, ils ont quelque chose qui les fait progresser de façon qu'ils n'imaginaient pas dans l'acculturation française, européenne. Mais donc c'est très commode. Sachant que la langue grecque, vous l'avez dit, est une langue ontologique, qui nomme des choses, des étangs, disons, et que le chinois ne le fait pas, elle ne nomme que des processus. C'est passionnant. Comment est-ce qu'on peut traduire? C'est la langue. C'est la langue à travailler. Vous savez, donc, moi j'ai appris le chinois, je cite souvent, quand j'ai première leçon de chinois, pour dire chose en chinois, on dit est-ouest, donc chi. Est-ouest. Ouais. Alors ça, je me suis dit, là c'est intéressant, j'étais étudiant et helléniste, chinois, est-ce que je m'y... Chinois n'était pas connu. Mais comment est-ce qu'on peut fixer cette traduction? Ça me fascine. Comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, le mot chose en français se traduit en chinois par est ou est? Qu'est-ce qui indique la correspondance? Ah, les dictionnaires le font. Les dictionnaires? Parce que ça ne s'est pas dit comme ça en chinois aux origines. C'est que la Chine pense en termes de corrélation. Yin et Yang, comme tout le monde sait, le ciel et la terre, le prince et le peuple, etc. Donc elle pense les opposés complémentaires. Donc, paysage, par exemple, j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus, pour dire, pour nous, un terme unitaire, paysage, pays, paysage, le paysage comme portion de pays, etc. La Chine dit, et encore aujourd'hui, montagne, eau, les montagnes et les eaux, le haut et le bas, ce qu'on voit la montagne et ce qu'on entend l'eau. Bon. Donc, la pensée chinoise pense par corrélation, non pas sur le mode d'unité-identité. Bon. Une des raisons de cela, on la lit en tout cas facilement dans la langue, c'est que, comme dit Platon, la logique première, c'est celle de la langue, c'est-à-dire des mots, des lettres qui se composent en syllabes, qui se composent en mots, qui se composent en propositions et se composent en phrases. Or, ce modèle-là, c'est celui dont Lucrèce décrit la physique. Les corps sont formés d'atomes comme les mots sont formés de lettres. Et c'est ce modèle-là qui servira à Alberti pour la peinture. La peinture, c'est le point, la ligne, l'élément de surface, la surface et le corps. Donc, on a une logique qui est une logique compositionnelle. Et la Chine propose une logique corrélative. Donc, chose, au lieu de le dire par un terme chez nous unitaire, chose, causa, ce dont je m'occupe, l'affaire, puis comme on dit la chose sexuelle, bon, la Chine dit par corrélation, par une mise en tension, par une interaction. Par des gestes. Oui, alors, oui, ce que je fais là pour tendre les deux côtés, de la polarité, elle pense par polarité. Parce qu'elle pense au départ à travers le terme de chi, de souffle, d'influx, et non pas en termes d'être. Donc là, si vous voyez, ce serait très court de remonter dans ces écarts, mais il donne à penser. Et apprendre le chinois, c'est se mettre dans cette difficulté de penser, et donc traduire, c'est là-dedans. Et traduire, pour moi, est donc une opération essentielle, parce que traduire, c'est pas comme on dit, traduire, c'est trahir. C'est trop facile. Non. Traduire, c'est penser entre la langue de départ et la langue d'arrivée, quels sont les possibles qui se ferment, et quels sont les autres qui s'ouvrent, malgré soi. Je passe d'une langue qui ne conjugue pas à une langue qui conjugue. Faut que je fasse par là. Donc ça implique de retravailler le texte de départ, dans sa langue de départ, le ressolliciter pour ouvrir de l'antre. Et c'est cet antre qui me paraît précieux, c'est l'antre du commun. Le commun de l'intelligible, c'est qu'il y a du chinois et du français, comme on dit c'est du chinois pour dire je comprends rien. Mais non, c'est qu'entre le chinois et le français, eh bien, dans cet écart ouvre de l'antre. Et c'est cet antre-là qu'il faut promouvoir pour produire du commun. Et ce commun, c'est l'intelligible. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose à propos de la physique qu'on voudrait traduire dans le langage commun? C'est-à-dire faire comprendre ce que dit la physique par des équations, le faire comprendre par la langue. Il faut travailler la langue. Ce n'est pas la vulgarisation. C'est pas la vulgarisation, c'est travailler. C'est donc un travail de plus. C'est donc opératoire, c'est donc une exigence essentielle. Au fond, c'est quand... ça qui fait vivre les ressources dont vous parlez finalement. Oui, parce que les ressources. Alors, je dis en termes de ressources aussi pourquoi ? Parce que les ressources ne m'appartiennent pas. Et alors qu'une identité, si. Bah évidemment. Et d'autre part, je parle de ressources, non pas de valeurs, parce que les valeurs nous mettent, tout dans un rapport de force. Enfin, et puis on dit mes valeurs. Je sais pas mes ressources. Les ressources du français, Dieu sait que les collègues étrangers que je fréquente, ils sont beaucoup plus sensibles souvent, et parlent mieux français que nous, et manient mieux le subjonctif que nous. Donc les ressources n'appartiennent pas. Elles sont à qui les exploite. Et je trouve ça très libérateur politiquement. Je ne possède pas, quand je dis ma langue, je ne possède pas la langue française. C'est ma langue parce que c'est celle que je parle le plus couramment. Mais il y a donc cet écart essentiel. Les ressources ne se possèdent pas, elles s'explorent, elles s'exploitent, elles n'appartiennent pas. Et elle ne se situe pas dans des rapports de force. Elle ne s'exclut pas. Je peux très bien défendre les ressources culturelles du français, de la culture française, de l'Europe, et m'intéresser aux ressources culturelles chinoises. Donc, et plus mon entendement traverse d'intelligibilités diverses, plus il promeut son intelligence. Donc c'est ça qui est essentiel dans le débat aujourd'hui, le débat politique, c'est que les ressources n'appartiennent pas, elles n'excluent pas. Alors justement, revenons, François Julien, si vous voulez bien, au débat politique actuel. On parle beaucoup de la question d'identité, on l'a dit, mais aussi de construire un vivre ensemble, ce qu'on appelle un vivre ensemble. Et vous dites que ce vivre ensemble est menacé par le narcissisme des petites différences. Qu'est-ce donc ? L'expression de Freud, oui, c'est une façon de revenir sur ce concept de différence et de m'en séparer. C'est que la différence, parce qu'elle est... Elle établit une caractéristique, une identification, et en elle-même narcissique. Cette expression de Freud est si forte parce qu'elle dit ça. Or, l'écart, je l'ai dit tout à l'heure, maintient en regard. Donc, l'écart n'est pas narcissique. C'est pas possible. Puisqu'il maintient l'autre en vis-à-vis, et il maintient l'autre en tension par rapport à soi. Plutôt soi par rapport à l'autre. Donc, là, je crois qu'il y a une ressource éthique et politique de penser, non pas en termes de différence, mais d'écart. Parce que l'écart, justement, ouvre cet antre du commun. Où il faut, mais le commun n'est pas donné, il faut le produire, il faut travailler. C'est au travers des écarts, comme on a dit la traduction, au travers du travail de l'écart qu'on peut produire du commun. Alors je crois que c'est essentiel aujourd'hui parce que, si vous voulez, il y a effectivement cette question de vivre ensemble, donc du commun. Alors premièrement, je dirais, le commun n'est pas le semblable, donc contre l'assimilation. Deuxièmement, si je parle de ressources, c'est contre le terme par nombre de racines. Vous l'avez tout à l'heure, n'est-ce pas? Les Gaulois, alors avant les Gaulois, qui avaient-ils? Ancêtres en ancêtres, etc. Quelles sont nos racines? Alors on dirait racines chrétiennes. Clovis. Mais avant Clovis, il y avait les Gaulois, justement. Et avant les Gaulois, bon, bref. Et puis, quand commence la France? Je n'en sais rien. Par contre, donc, je crois qu'il y a quelque chose de... C'est stérile. C'est un cul-de-sac de la pensée que de penser en termes de racines culturelles ou de racines chrétiennes, par exemple. Par contre, si on me demande quelles sont les ressources chrétiennes, je pense qu'il y a des ressources chrétiennes et qu'il s'agit de les activer. Comme il y a des ressources chinoises, comme il y a des ressources dans grecques, etc. Mais je veux dire, je crois que le problème du christianisme aujourd'hui, posé en termes de racines, la France, parce qu'il y a eu Clovis qui s'est converti, est chrétienne, fille aînée de l'Église, etc., me paraît quelque chose de bête et donc politiquement de dangereux. Donc je crois qu'il faut penser, et surtout parce qu'on retraduit, on réexprime en termes de nature du culturel. La culture en termes de racines, c'est quand même débile. Or cette débilité, elle, comme elle est facile à manier idéologiquement, eh bien elle est ambiante. Et c'est contre quoi je m'insurge, parce que le propre de la philosophie, c'est pas de, je suis pas là pour donner mon opinion, c'est d'essayer d'élaborer les notions communes pour en produire des concepts, qui soient des outils, ben justement, de réflexion et donc de débat. Donc il ne s'agit pas simplement de tolérer l'autre ou les autres cultures, mais de se mettre en tension avec elles. Oui, la tolérance, pour moi, est une mauvaise notion. On l'a beaucoup reprise. La tolérance ou l'intolérance, j'ai mal entendu. Non, la tolérance. La tolérance est une mauvaise notion. Oui, alors on l'a beaucoup reprise après les événements de l'an dernier. Bon, la notion de Voltaire, mais on n'est pas à l'époque de Voltaire. La tolérance chez Voltaire, c'était quoi? C'était contre l'inquisition religieuse. C'était, disons, pour la liberté de penser. La tolérance me paraît une notion qui est une notion réductrice. Je tolère l'autre. Non. À la fois, moi, je défends des ressources culturelles françaises et je les défends en les défendant, c'est-à-dire que j'y crois. Je veux dire, j'y crois parce que j'ai trouvé actif. Si je défends ce qu'on vient d'évoquer comme ressources ou d'autres, c'est que j'y suis attaché. Donc, la tolérance, c'est trop souvent, chacun met de l'eau dans son vin. Et ça, j'en veux pas, ça fait du mauvais vin. Je crois qu'il y a les ressources, elles n'excluent pas les autres, elles sont à partager, elles sont surtout à activer, mais si je les active, c'est que j'y tiens. Et donc, il y a un engagement fort dans la notion de ressources. Alors que la tolérance a un effet un peu de lissage ou de biffet, n'est-ce pas, comme une sorte de moindre passion. Non, je crois à la passion de l'esprit et la passion politique. Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Est-ce qu'on va, on ne va pas vous reprocher d'avoir une conception élitiste? Non, je suis démocrate. Je suis démocrate parce que je pense que le peuple est intelligent. C'est ça qui est le fond de mon idée républicaine. Le peuple est intelligent, mais on l'abêtit. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce que je dis là, tout le monde peut le comprendre. Simplement que si le discours idéologique de répétition ne cesse de utiliser une notion sans du tout la réfléchir et sans commencer à la définir, alors le débat devient confus et on dira non, je crois que au contraire, moi je suis pour un cours méthodique et populaire de philosophie que nous faisons à la BNF. C'est vous un l'avez cours organisé déjà, il a déjà lieu, oui, tous les ans. Donc tous les ans, depuis exactement depuis les élections de 2002, vous voyez, c'est pas, la raison était politique. Donc je crois qu'au contraire, ça c'est un choix philosophique, je pense que l'intelligence c'est une capacité la mieux partagée. Encore faut-il l'activer comme ressource. C'est une ressource, l'intelligence. À nous de l'activer. Alors, c'est un livre politique, en tout cas, je l'ai lu comme tel. Oui. Comment est-ce que les politiques ont réagi à ce que vous le savez? Est-ce qu'il y a eu des échos qui vous sont parvenus? Je crois que ça les inquiète. C'est comme un pavé dans la mare. Voilà, ils ne savent pas comment prendre ça. C'est tout petit, en plus. Donc, oui, c'est j'ai fait exprès tout petit pour que... Parce que vous pensez que les hommes politiques ne lisent plus. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est pas une, c'est un constat. En tout cas, ils lisent des notes ou des rapports, mais ils ne savent pas lire plus. Ils ne savent pas lire en se mettant deux fois. Donc, ça, là, on peut lire en une fois. Donc, c'est une commodité de comprimer ou de cacher, n'est-ce pas, qui n'est pas le pinceau de la lecture. Mais oui, je dois dire que dans mon travail... 92 pages, je le dis pour les auditeurs. 92 pages. Oui, petite page en plus, c'est gros caractères. Gros caractères. Donc, si vous voulez, j'ai le sentiment, dans mon travail, j'ai rencontré souvent un intérêt dans le monde économique des chefs d'entreprise, des gens qui lisent. Et j'ai fait beaucoup de conférences, j'en fais beaucoup dans le monde de l'entreprise. Et de façon étonnante, pas du tout dans le monde politique. Donc, je pense qu'il y a une coupure en France essentielle que je veux désigner comme telle. C'est que les hommes qui sont chefs d'entreprise, femmes d'entreprise, qui sont avec un souci de rendement, de résultats, etc., sont des gens qui ont l'intelligence active. Les hommes politiques ont un souci, c'est de se faire réélire. Il faut le dire comme ça, c'est banalement, bêtement comme ça. Et je crois qu'ils ne lisent plus. Donc pour moi, c'est une proposition donc, de sollicitation, de lecture, contre ces termes qui ont été identité malheureuse, identité heureuse. J'ai lu récemment que le président a dit « La France, c'est plus qu'une identité, c'est une idée ». Bon, qu'est-ce qu'on dit quand on a dit ça? La France, c'est plus qu'une identité, c'est une idée. On n'a rien dit. On a essayé de se démettre d'un problème idéologique qui est une sorte de chose un peu comme ça, patate chaude, qu'on se repasse les uns les autres. Ça ressemble à un tweet. Voilà, c'est ça. Alors, je pense que l'exigence... Et moi, là, je viens en tant que philosophe. Je pense qu'il y a un moment où... il y a une responsabilité de la philosophie. Mon père le disait pour les années 30-36 en France. Bon, chaque génération est devant ses responsabilités historiques. Et il y en a une essentielle aujourd'hui qui est comment remobiliser les Français. Comment redonner de l'essor à la communauté française. Je pense que ce n'est pas avec de fausses notions, mais avec des concepts qui soient des concepts qui soient manipulables par tout le monde. Parce que le concept de ressources, tout le monde le comprend. De ressources ou de fécondité, le concept d'écart par différence avec la différence, qui elle est identitaire, tout le monde le comprend. Et la pensée du commun, que le commun n'est pas le semblable, je pense que tout le monde le comprend aussi. Il suffit de vivre en famille, vivre en couple, aussi bien que si l'un et l'autre sont semblables, il n'y a pas de couple. Donc alors, c'est l'écart qui crée le désir. Oui. Et prenez les couples, on va appeler les couples même homosexuels, finalement il faut qu'il y ait de l'écart. Sinon, ben, il n'y a pas de couple. Donc c'est au travers de l'écart qu'on produit du commun. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Moi, je fréquente votre œuvre, je ne sais pas si vous le savez, depuis des années. Je l'ai toujours lu comme une œuvre philosophique, littéraire parfois. Or, j'ai découvert qu'en 2010, vous avez reçu en Allemagne le prix Hannah Arendt pour la pensée politique. Mmh. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on lit votre œuvre comme étant politique. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, j'ai parlé de différence, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a un écart de ce point de vue entre la France et l'Allemagne? Attendez, le concept de différence est juste en tant que tel. Mais quand il est employé, comme il le faut, c'est-à-dire pour aboutir à une définition. Je ne suis pas contre le concept de différence. Je suis contre le concept de différence quand il laisse tomber l'autre, alors que c'est que l'autre soit en regard qui compte. D'où le concept d'écart. Oui, je pense qu'on me le dit différemment à l'étranger, où je suis quand même beaucoup traduit, qu'en France. Et notamment en France parce que, il y a une sinophilie, sinophobie française, puis une tradition française qui remonte aux Lumières, qui remonte à plusieurs siècles. Et qu'on m'a reproché en France une chose, chez certains sinologues en tout cas, qui a été de faire de la philosophie avec la pensée chinoise. Avec cette idée qu'au fond, la Chine, c'était de l'histoire. Donc, le contexte. Et mon exigence, c'est non pas de négliger le contexte, mais de faire des concepts. Donc, d'élaborer les cohérences chinoises pour en faire des concepts qui puissent travailler en philosophie. Et donc, avec un usage, évidemment, aussi politique. Donc, je crois que cela s'est perçu aisément à l'étranger, en Italie, en Allemagne, etc. Effectivement, le prix Hannah Arendt, qui est un prix donc, de pensée politique, me touche plus que d'autres prix que j'ai pu avoir par ailleurs, parce qu'il mettait le doigt sur la question qui était pour moi l'enjeu réel. Alors, on m'a reproché d'être un philosophe qui ne prenait pas position politiquement. C'est faux, si on lit mes livres jusqu'à la fin. Je ne commence pas par des positions politiques qui n'intéressent que moi. Mais il s'agit, au travers de l'élaboration philosophique que je fais, d'aboutir à des positions politiques. Et dans mes livres, et très souvent dans les dernières pages, dans les Sagesse sans idées, dans mon livre sur l'universel, ou des toiles axées, j'ai des conclusions qui sont politiques. Mais finalement, on ne lit pas le livre jusqu'au bout, ou si on s'arrête à la troisième page, on ne les voit pas. Mais François-Julien, question personnelle, quand vous êtes sorti de l'École normale supérieure, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en Chine? Alors, c'est pas quand je suis sorti, c'est quand j'y étais. C'est après l'agrégation, étant formé comme helléniste, c'est de me dire, au fond, on dit, nous venons des Grecs, l'héritage grec. Mais qu'est-ce que je sais de cet héritage tant que je n'en suis pas sorti? En plus, à l'époque, il y avait, c'est le grand moment de la déconstruction. Donc, prendre du recul à l'égard de la métaphysique des Grecs. Et on déconstruisait de l'intérieur. De l'intérieur, ou en se réadossant à l'autre grande pensée européenne, qui est la pensée hébraïque. Chez Derrida, chez Lévinas, enfin. Mm. Donc c'était au fond, pratiquer une déconstruction du dehors. Non pas dans la tension si féconde, entre Athènes et Jérusalem, entre Socrate et Abraham, entre, bon, la grande tension chez Kierkegaard ou chez d'autres. C'était de dire au fond, sortons d'Europe, sortons de la langue européenne, c'est une langue, la langue Et vous parlez chinois déjà? Donc, non, bah non, faut commencer. Et commençons page blanche. Vous levez un matin et vous dites, tiens, je vais aller en Chine. Oui, page blanche. Pas la page blanche, c'est-à-dire s'intéresser à ce dont je ne sais rien. Parce qu'à l'époque, on ne savait rien de la Chine. Vous savez, quand on allait à Pékin, il y avait un avion par semaine d'Air France qui était vide. C'est pas, on avait à Pékin, il y avait un petit poste d'entrée, c'est tout. Donc, ça demande un certain courage de prendre une telle décision, non? C'était de dire, au fond, c'était la chance d'école normale supérieure à l'époque. Je suis passé à l'agrégation, j'ai encore une année devant moi, deux années. J'ai donc du temps devant moi, et plutôt, j'avais commencé une thèse sur Aristote. Mais je me suis dit, une thèse sur Aristote, j'aurai le temps de la faire plus tard. Et puis d'autres en ont fait déjà beaucoup. Alors que là, me mettre dans cette situation de dérangement, de dénudement intellectuel, de dépaysement, quand on quitte sa langue, qui n'est pas la langue française, qui est la langue européenne, la langue indo-européenne. Donc, j'ai pas fait du sanskrit, mais du chinois, ce qui était le grand écart. Puisque, de génération d'avant moi, on remontait du grec au sanskrit. Benveniste, c'était là. Là, c'était justement le choix qui n'était pas le sanskrit. En même temps, une langue d'aujourd'hui, une langue, celle du... Donc, c'est pas pour des raisons de séduction politique. C'était l'extrême fin du maoïsme, c'était... la chose était déjà morte. Et c'était pour des raisons théoriques, de me dire au fond, prendre la philosophie à revers, de façon stratégique. Donc pas une question de méthode, mais de stratégie. Comment avoir accès à mon impensé? Comment prendre du recul dans mon esprit? Comment remettre en perspective ma pensée? Eh bien donc, une sorte de ruse, de stratégie du détour, détour et retour. C'est pour ça que je suis devenu sinologue, mais je ne suis pas resté en Chine, je ne me suis pas sinisé. En même temps que je pratique le détour, je dis bien, en même temps, c'est là le paradoxe, là où la difficulté, je pratique le retour. Sinon, ben, on se spécialise. Tentation que j'ai connue comme d'autres, se cyniser avec un auteur, une œuvre, etc. Parce qu'on n'en finit pas d'apprendre le chinois et de lire les textes chinois, tellement ils sont nombreux. Est-ce que c'est au point qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous comprenez ce que pense un chinois avec lequel vous discutez, lettré ou pas? Est-ce que vous avez accès à la pensée chinoise au sens où vous comprenez les mécanismes mentaux qui la structurent? J'ai fait mon maximum pour cela. Est-ce que j'y arrive? C'est comme l'universel qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, mais il y a donc aussi du travail à faire. Donc il y a de l'avenir, il y a du devant soi. Et quand les Chinois vous lisent, qu'est-ce qu'ils disent? Alors oui, ils me disent... La question qu'ils me disent toujours, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent de Julien en Chine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a appris le grec et le latin pour repenser les implicites, les parties prises de la pensée chinoise. Ça viendra peut-être. Mais disons, c'est ce qu'on me dit, moi, le plus communément, c'est vous n'avez pas votre symétrique. Votre antiparticule. Oui, c'est ça. Voilà. En bonne physique, il en faudrait une. Je suis dans cette situation-là. Ce qui fait que le dialogue n'est pas facile. Mais si j'entends le dialogue au sens où je l'entends, c'est-à-dire dia de l'écart et logos de l'intelligible, eh bien, je m'y retrouve. Dia de l'écart. Et il faut de l'écart pour qu'il y ait du dialogue. Mais en même temps, logos de l'intelligible, savoir, et le commun. C'est que je pense que, entre un Chinois et moi aujourd'hui, on se comprend peut-être pas entièrement, mais entre nous, est-ce qu'on se comprend entièrement? Je veux dire, le entièrement de la compréhension est toujours quelque chose d'horizon, hein. Mais par contre, je pense que nous pouvons nous comprendre. Et cette notion d'intelligible et de logos à laquelle je tiens tant, prenons comment on se dit dialogue en chinois. Doui roi. Doui, c'est faire la paire. Vous pouvez répéter? Doui, roi. Doui, c'est faire paire. Comme yin et yang, comme est-ouest, pour dire la chose. Et roi, c'est parler. Mais il n'y a pas le logos, tout ce que dit logos en grec, justement, dans la langue grecque, qui est discours, raison, donc exigence de la pensée. Donc l'idée grecque de dialogue me paraît très riche, parce que c'est le dia. Dia signifie deux choses en grec. L'écart et le cheminement, comme dans la dialectique. Donc le dialogue, ce n'est pas immédiat. C'est pas, on ne se comprend pas comme ça tout de suite. Il faut du cheminement. Il faut donc une patience, un investissement, un déroulement pour commencer à se comprendre. Il y a de l'écart et du cheminement et logos de l'intelligible. Il faut une émission d'au moins une heure. D'au moins une heure. Un logos qui fasse qu'à la fin, on ait le sentiment d'avoir cheminé, d'avoir produit du commun, le commun de l'intelligence. Alors François-Julien, il y a un autre livre, je crois que c'est le premier que vous avez publié en 1989, qui s'intitule « Procès aux créations, une introduction à la pensée des lettrés chinois ». Oui. C'était votre thèse? Non, c'était pas ma thèse, c'était ma thèse, était sur la valeur allusive, qui est une sorte de prolégomène de lecture du chinois. Mais à partir de ma thèse, je m'interrogeais sur la notion de création, y compris poétique, qu'est-ce que signifie cette chose. Mais est-ce que la notion de création est une notion qui s'impose, comme les Chinois d'ailleurs l'ont empruntée à nous? Ils parlent maintenant de création littéraire comme nous, nous en parlions avant. Mais où est-ce qu'on peut penser, sortir de la pensée de la création, à la fois la création du Timée de Platon, mais la création de la Genèse, de la tradition hébraïque, et puis ce qui a été entre les deux. Enfin, et est-ce qu'on peut penser donc autrement que par la notion de création, celle donc de processus, qui paraît la grande idée chinoise, la processualité des choses. Et qui empêche de penser la notion d'origine absolue. Alors c'est une question qui m'avait intéressé parce qu'elle rencontre un peu les problèmes de la cosmologie contemporaine où la notion d'origine absolue de l'univers se dissout dans les théories qui essaient de la plus saisir. Plus on s'en approche, plus elle se dissout. Mais est-ce que l'origine est pensable en Chine? Je parle de l'origine de l'univers, c'est-à-dire la transition entre le non-être et l'être. Mais avant ça, est-ce que c'est intéressant de penser ça? Moi, ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez, entre pensée chinoise et pensée européenne, c'est pas tant les différences, je l'ai dit, que l'indifférence. Est-ce que ça me parle comme question? Est-ce que la question qui, pour nous, s'est imposée comme nécessaire, d'où vient le monde, le Big Bang, quand ça a commencé, est-ce que c'est une question qui est pertinente, de façon, au-delà de la logique culturelle dont elle provient? Moi, ce qui me frappe en Chine, c'est que c'est une question qui n'a pas intéressé. C'est pour ça qu'elle n'était pas constituée en question. C'est qu'au fond, dans un monde, comme on dit en chinois, le monde meurt tous les jours, le monde naît tous les jours. Si je pense le monde comme une transition continue, c'est-à-dire une interaction entre flux qui ne cesse donc d'interchanger et de se réactiver, la notion de début premier, avec cette grande mise en scène comme ça mythologique, comme de fin dernière, apocalyptique, se dissout, se défait. Et ça qui m'intéresse, c'est pas tant de chercher en Chine d'autres réponses aux questions que nous nous posons, c'est de voir comment les questions que je me pose, que je considère nécessaires de me poser, qui s'imposent à moi, eh bien quand je passe de l'autre côté, ne se posent plus, n'ont plus à se poser. C'est ça que je trouve vraiment dépaysant pour la personne. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles disparaissent? Non, elles sont légitimes à partir de... Telles qu'elles sont formulées, elles sont légitimes comme telles, mais elles rencontrent non pas l'objection, non pas la réfutation, mais une indifférence. Et je trouve ça encore plus important à penser. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui diraient que cette façon de transposer ou de ne pas transposer les questions qui se posent d'un côté ou de l'autre aboutit à une sorte de relativisme? Non, pas du tout. Moi, je sais que vous n'êtes pas relativiste, mais non, je rentre dans votre défense. Je pense qu'il y a deux écueils qui arrivent d'ici là. Il y a ce que j'appelle l'universalisme facile. On projette son universalité sur le reste du monde en pensant que le monde peut se coucher dessous. McDonald's. Et puis l'inverse, qui est le relativisme paresseux. Le relativisme est paresseux parce qu'il ne travaillait pas. Pourquoi il ne travaillait pas? Parce qu'il ne travaillait pas dans l'antre de l'écart pour produire du commun. C'est-à-dire donc moi je suis pour... Il engendre une sorte de paresse intellectuelle. Oui, donc le communautarisme ou disons le culturalisme, toutes ces formes-là. C'est-à-dire qu'il le pense en termes de... Le culture en termes de nature. Il le replie en termes de nature. Non, je suis justement pour du travail qui fasse que, prenant la mesure de l'écart... Eh bien, et travaillant entre cet écart, on produise du commun. Le commun, l'intelligible, le commun du logos. Donc, c'est le contraire et de l'universalisme facile et du relativisme paresseux. Alors, dernière question, François-Julien, parce que le temps a quand même passé. Alors, le temps, c'est une notion que les Chinois n'ont pas pensé comme nous, d'après ce que j'ai compris aussi. Non. C'est-à-dire que cette idée que nous avons de penser un temps homogène, dont tous les instants ont le même statut, qui s'écoule indifféremment de ce qui se passe à l'intérieur, n'a pas été saisi par la pensée chinoise. J'en ai une preuve toute simple, c'est qu'il fallait traduire temps en chinois au 19e siècle. Fin 19e siècle, on a traduit temps, chinois, japonais plutôt d'ailleurs, mais en élément sémantique chinois, shetian, tikan en japonais, c'est-à-dire l'entre-moment. Donc on avait en Chine deux choses, la pensée du moment, moment, saison, circonstance, et puis la pensée de la durée, tuo. Hein. Mais on n'avait pas cette sorte d'enveloppe, c'est problématique d'ailleurs, du temps. Donc on a pensé des durées par renouvellement de moment, justement. De moment-saison, hein, bien moment-saison. Hein. Et sans, disons, cette exigence qui a été si féconde, mais aussi si singulière, dans laquelle la philosophie s'est prise comme dans une sorte de piège aussi, qui est de penser l'énigme du temps. Parce que depuis Aristote, on dit, c'est une énigme, n'est-ce pas? À la fois, il y a une sorte d'évidence dans la notion du temps, et en même temps, dès qu'on y... comme dit Augustin, n'est-ce pas? Tant qu'on en parle, on croit savoir ce que c'est, et donc, dès qu'on s'arrête pour le penser, ça échappe. N'est-ce pas? Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de François-Julien chinois qui fasse le travail que vous avez fait vis-à-vis de la Chine. Eux ne le font pas vis-à-vis de l'Europe. Il y a quand même des physiciens chinois qui reprennent dans leurs équations le temps des physiciens. Bien sûr, mais parce que la culture, encore une fois, n'appartient à personne, et la science non plus. Donc ils ont fait ce travail quand même. Voilà. Ben justement, c'est que l'Europe est allée deux fois en Chine par les missions pour convertir, ça peut marcher. Puis elle est revenue par la science, par la puissance du 19e siècle. Et là, les Chinois ont dû apprendre la science européenne. Et donc, ils ont dû apprendre la science, la physique, ils ont dû apprendre la modélisation mathématique de la physique, ils ont dû apprendre Alors, avec la grande question qui était à la leur, quand même, pourquoi on a raté Galilée? Pourquoi, disons, cette étape-là? Parce que jusqu'à Galilée, les Chinois ont l'équivalent. Tartaglia, ce qu'on appelle les mathématiciens ingénieurs, Léonard Vinci, ça, ils ont l'équivalent en Chine. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas franchi la marche d'après? Cette physique... causaliste, mécaniste, galiléenne, cartésienne, newtonienne, celle des lois universelles de la nature. C'est des questions qui sont posées durant tout le XXe siècle. Pourquoi on a raté cette marche-là? En même temps qu'aujourd'hui, d'avoir raté cette marche de la physique classique fait que quelque part ils sont en connivence avec la physique contemporaine. Merci François-Julien. Le temps des horloges, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, il a passé une heure. C'est le moment de s'arrêter. Je souhaite le plus grand succès à votre ouvrage. Il n'y a pas d'identité culturelle. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique David Federman et à la réalisation François Connac.